J'écris l'histoire à l'encre rouge, au dépend de mes sangs. Puis je plie, je mourrai comme ça que mon destin était écrit. Une partie de moi rêve à chaque morceau de je donne ma naissance. Je vis mon second souffle par le rap que tu donnerais reconnaissance. À l'inspiration, ma vie brûlée à l'essence. J'étais mon acte présent, je suis français, mais j'ai peu de respect pour cette France. De cette langue marginalisée pour nous enfermer sans qu'une justice au rap scellé dans 50 mètres carrés. Dis-moi combien on ont pété les plombs, se sont automutilés. Car dans cette pièce, ils ont perdu la raison. Que beaucoup de condamnés pour rien, ou condamnés parce qu'ils faisaient du tort. À la dure applicace des plus forts, j'ai une grande gueule, je n'ai pas prêt à faire taire. Je réussirai à prouver tous leurs vices et à ouvrir les yeux du peuple assombri par leurs complices. Je rêve d'un pouvoir que je n'ai jamais eu. Dévoiler le vice de tous ces tordus qui s'amusent à saccager nos vies. Condamnés, détenus, à tort ou à travers, tu sens la douleur des allées venues. Vers l'enfer que nous font vivre ce système pourri, incomplice, mon Dieu sature. Je prie pour pas que ça dure. J'ai ce rêve de ne plus être ouais. condamné à tort. J'ai ce rêve d'un monde meilleur sans ces conspirateurs. J'ai ce rêve d'être libre, dépend de ma vie. J'ai ce rêve de retrouver ma femme, mon fils. J'ai ce rêve de ne plus être ce condamné à tort. J'ai ce rêve d'un monde meilleur sans ces conspirateurs. J'ai ce rêve d'être libre, dépend de ma vie. J'ai ce rêve de retrouver ma femme, mon fils. Je vois rien derrière les barres où le chétan me pousse à en finir. J'ai tant crié mon innocence, j'en ai perdu le sourire. Ma foi m'a troublé, j'en ai perdu l'espoir. Condamné à perpétuité sans aucune preuve pour m'inculper. On m'a donné rancard avec la mort précisément. Je connais la date de ma mort, c'est ce mardi, 9h15 il me semble. Tellement pris par la peur, j'en ai les mains qui tremblent. Je veux sortir de cet enfer, mais cet alibi il me manque. Présumé coupable, ils m'ont détruit sans rien me demander. J'ai tant de haine envers système qu'avec cette lame je me suis entaillé. Mon sens déverse sur le sol comme une pluie battante. Le froid m'en couche, je ressens même plus mes membres. Je vis mon dernier souffle, je vois cette lumière se rapprocher de moi. Et ma condamnation elle va et s'éloigne vers le large. Les battements de mon cœur ne sont plus à courir. Et ma vie, cette putain de juge me la pourrit. J'ai ce rêve de ne plus être ce condamné à tort. J'ai ce rêve d'un monde meilleur sans ces conspirateurs. J'ai ce rêve d'être libre, dépend de ma vie. J'ai ce rêve de retrouver ma femme, mon fils. J'ai ce rêve de ne plus être ce condamné à tort. J'ai ce rêve d'un monde meilleur sans ces conspirateurs. J'ai ce rêve d'être libre, dépend de ma vie. J'ai ce rêve de retrouver ma femme, mon fils. À mon fils que je l'aime intensément. Que si je n'ai pas été là pour ses premiers pas, c'est fautif de mon innocence. Qui ne croit pas que son père est meurtrier. Car dans les circonstances du drame, je n'en connais même pas les faits. La vie s'acharne à faire de moi le coupable. Passant par là, je pensais pas tomber à nez avec ce putain de cadavre. C'est là que tout s'est déroulé. Là que la police débarque, les sirènes grondent de panique. Je cavale et y'a une tête de coupable métissé. Mais des témoins m'ont vu, ils m'ont pris pour le meurtrier. Je peux t'assurer qu'ils ont pas mis temps à m'arrêter. Jusqu'à ce que je me retrouve différé au parquet jusqu'à la sentence finale. Monsieur, nous réclamons une peine de 60 ans d'emprisonnement. C'est sur ce coup de marteau que ma peine me reste à purger. C'est sous ce coup de marteau que ma peine me reste à purger. J'ai ce rêve de ne plus être ce condamné à tort. J'ai ce rêve d'un monde meilleur sans ces conspirateurs. J'ai ce rêve d'être libre, dépend de ma vie. J'ai ce rêve de retrouver ma femme, mon fils. J'ai ce rêve de ne plus être ce condamné à tort. J'ai ce rêve d'un monde meilleur sans ces conspirateurs. J'ai ce rêve d'être libre, dépend de ma vie. J'ai ce rêve de retrouver ma femme, mon fils. J'ai ce rêve de ne plus être ce condamné à tort. J'ai ce rêve d'un monde meilleur sans ces conspirateurs. Emblématique, d'être libre, dépend de ma vie. Condamné, j'ai ce rêve de retrouver ma femme, mon fils. J'ai ce rêve. J'ai ce rêve, ouais, j'ai ce rêve, et n'a de cesse, tu, ok.